sacrifier vie et passion pour des moments de gloire et tout ce que l'on doit croire. Et je fais le mal et je fais le bien, absous par mes anges gardiens. Vos prétentions de puissance se nourrissent de ma souffrance. Et si demain je cassais tous vos rêves qui m'entravent les mains et je serais de mes lèvres, j'ai perdu chacun de mes désirs pour n'avoir pas à vous trahir. Moribond l'amour et l'oubli dans la solitude de ma vie. Rouge l'horizon bord de mes nuits. Loin dans mes songes, je m'en subliminal qui sèche aux lueurs matinales. Et si demain je cassais tous vos rêves qui m'entravent les mains et scellent mes lèvres, entre devoir et des raisons, j'ai gagné le droit à l'honneur, mais perdu le goût du bonheur. Peut-être je marquerai votre histoire de domination illusoire. Gage de sagesse.